Jean Bosco, Ndoui Man. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Les confédérations burundaises des syndicats Kosibou et CSB réclament avec insistance l'organisation d'une séance de dialogue comme promis aux syndicalistes par trois ministres du gouvernement dans leur précédente rencontre. Dans une correspondance adressée au président du Comité national du dialogue social, ils regrettent aussi que les retraits à la source pour les contributions aux élections aient été opérés alors qu'un consensus n'avait pas été dégagé. Les questions relatives à l'amendement de la Constitution et au dialogue extérieur seront présentées par le vice-président de la République, le premier, lors d'un sommet des chefs d'État qui se tient ce 23 février en Ouganda. Le professeur Évariste Ngaïmenda, avec certains de ses collègues de l'opposition, viennent de rencontrer en Tanzanie le médiateur Mkapa et sont confiants. Quant à l'issue de ce sommet, ils ont réclamé la tenue d'une session de dialogue avant mai prochain. Et puis, les habitants du quartier Kamesa 1 appellent le gouvernement à leur venir en aide dans la réfection du pont qui les relie avec Kinanira 2 en zone Moussaga. Cette infrastructure est sur le point de céder et les conséquences risquent d'être fatales. Reportage à suivre dans ce journal. Et au chapitre sécurité, un homme et sa femme sont morts la nuit dernière dans une attaque à la grenade lancée à travers la fenêtre de leur maison. Le drame a eu lieu sur la colline Muhenga, en commune et province Bubanza. Notre correspondante sera en ligne pour nous en parler. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Les questions relatives à l'amendement de la Constitution et au dialogue extérieur seront présentées par le premier vice-président de la République lors d'un sommet des chefs d'État qui se tient ce 23 février en Ouganda. L'annonce a été faite par le porte-parole du premier vice-président Gaston Sindimo après son départ à destination de Kampala. Les autres points qui seront abordés lors de ce 19e sommet de la communauté est-africaine sont entre autres le développement des infrastructures et celui du secteur de la santé. Suivez Emeline Maneragaba. Le premier vice-président de la République vient de prendre l'avion à destination de Kampala, en Ouganda, où premièrement il va assister à la retraite des chefs d'État qui font la communauté de l'Afrique de l'Est, l'EAC. Donc durant cette retraite, ils vont notamment étudier sur le financement des infrastructures et sur la santé de la région. Et deuxièmement, pour le 23 février, il va y avoir le 19e sommet des chefs d'État qui font partie de la communauté de l'Afrique de l'Est. Donc, durant le sommet, ils vont étudier notamment les questions politiques concernant les pays de la sous-région. Ils vont étudier les questions économiques, les questions de sécurité. Ils vont également étudier sur les possibilités concernant la monnaie unique et sur les marchés uniques. Donc, le premier vice-président aura l'opportunité, durant le 19e sommet, de faire un discours où il va présenter la situation globale concernant le pays, sur notamment ce qui concerne le référendum, le dialogue et bien d'autres sujets. Et demander aux facilitateurs dans le conflit burundais la tenue de la 5e session de dialogue avant le référendum constitutionnel prévu en mai prochain. C'est ce qui a entre autres occasionné le déplacement de ce dimanche en Tanzanie de 6 politiciens burundais de l'opposition. Le professeur Évariste Ngaïmenda ajoute qu'ils ont aussi demandé que les chefs d'État des pays de l'EAC puissent montrer leur position par rapport à la crise burundaise. Il précise que le facilitateur Benjamin Mkapa a promis de faire parvenir leur doléance lors du sommet des chefs d'État prévu ce jeudi. On l'écoute. C'était pour lui dire que le peuple burundais plaçait beaucoup d'espoir dans le sommet à venir et c'était pour souhaiter que ce sommet puisse donner une orientation assez claire, assez précise par rapport au règlement du contentieux burundais. Parce qu'à ce stade, je crois que les chefs d'État ont tous les paramètres, ont tous les éléments nécessaires à la prise d'une décision qui puisse sauver le Burundi. Et on lui faisait comprendre aussi que ce sommet était de la dernière chance à partir du moment où ce sommet est tenu au moment où le gouvernement de Bujumbura a opté pour le forcing. Ou bien on laisse courir ce forcing, ou bien on montre une autre orientation, d'autant plus que ce forcing va définitivement détruire l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. L'unique façon de sauver cet accord, parce qu'en fait l'enjeu central de ce dialogue, c'est justement le respect de l'accord d'Arusha et de la constitution qui en est issue. Et si ce dialogue ne peut pas sauver ce processus, c'est bien après le référendum, il ne servira plus à rien. Après avoir présenté vos préoccupations aux facilitateurs, Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Bon, le facilitateur, comme il avait toujours fait savoir, il n'est que facilitateur. Au-dessus de lui, il y a le médiateur. Et au-dessus du médiateur, il y a tout naturellement le sommet des chefs d'État. Il appartiendra donc au sommet des chefs d'État de savoir ce qu'il fera du rapport qui sera présenté par le facilitateur. Le facilitateur nous a promis qu'il allait faire son rapport comme il avait d'ailleurs fait par le passé. Maintenant, je ne sais pas dans le secret des dieux ce que le sommet des chefs d'État en fera. Je n'en sais rien. Mais tout mon souhait, c'est qu'il donne des orientations dans le sens de tirer le Burundais et le Burundi de la détresse où il est. Est-ce qu'on peut dire qu'à la fin de cette rencontre, l'opposition est sortie rassurée? Il n'y a pas de raison de ne pas être rassuré. Maintenant, il n'y a pas non plus de raison d'être rassuré à partir du moment où tu penses au résultat du sommet. Le sommet n'est pas encore eu lieu, on ne sait pas ce qui en sortira. Le professeur Évariste Ngaïmenda répondait aux questions de Joseph Nsabiyabandi. Je vous l'avais dit dans les titres, les confédérations burundaises des syndicats Kosibu et CSB réclament avec insistance l'organisation dans les plus brefs délais d'une séance de dialogue comme promis aux syndicalistes. Dans une correspondance que leur présidente a adressée ce mercredi au président du comité national du dialogue social, ils souhaitent que ces discussions soient axées sur les points évoqués le 25 janvier dernier entre les syndicats et trois ministres du gouvernement et qui sont restés sans consensus. C'est entre autres le caractère volontaire de la contribution pour les élections à venir, l'assiette et le barème salarial de la contribution ainsi que les appels à contribution tout azimut dans certains services publics et parapublics faits en dehors du cadre légal de l'ordonnance conjointe. Célestin Savimana, vice-président de la COSIBU, est étonné par le fait que les retraits de ces contributions sur les salaires des fonctionnaires aient été entamés sans qu'il y ait un consensus. Suivez-le. Au cours de cette réunion, on s'était convenu donc que les pourparlers vont continuer sous les auspices du Comité national de dialogue social. Alors, l'objet de notre correspondance, c'est de saisir le président du Comité national de dialogue social pour que, notamment, les trois principaux points qui ont été discutés, que les représentants des syndicats n'ont pas eu de réponses satisfaisantes, puissent être rediscutés dans ce cadre pour qu'une réponse satisfaisante soit trouvée pour les deux parties. Malgré vos doléances, malgré vos cris d'alarme, on a constaté que le retrait a déjà commencé avec le mois de janvier. Qu'est-ce que vous en dites? Dans beaucoup de services, avec fin janvier, on a commencé le retrait. Mais nous avions demandé à la partie gouvernementale de sursoir au retrait en attendant que ces questions soient bien éclaircies. Mais lorsqu'on négocie ces deux parties, la partie gouvernementale donc n'a pas pu, disons, donner suite à notre doléance. Donc, de ce soir, à la mise en œuvre de cette ordonnance, au moins le mois de janvier, pour que ça commence avec fin février et que ces questions puissent trouver une réponse adéquate. Ça, on va le signaler au cours de ces négociations qui vont commencer, je pense, incessamment. C'était Célestin Savimana, vice-président de la Confédération des syndicats du Burundi, qui répondait aux questions d'Évariste Nzikobanyana. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. L'organisation sud-coréenne International Youth Fellowship a procédé ce mercredi au lancement officiel du programme de formation sur l'éducation de la mentalité à la prison centrale de Mimba. Le secrétaire permanent au ministère de la Justice et garde des Sceaux qui a collaboré à l'activité indique que ce programme est très bénéfique pour les prisonniers parce qu'ils apprendront à ne pas commettre encore des infractions une fois libérés et pourront continuer normalement leur vie en société. Et c'est au moment où plus de 2500 prisonniers tentent d'être libérés en vertu de la grâce présidentielle du 1er janvier dernier. Suivez Arcade Hareliman. Le gouvernement du Burundi a mis en place une politique d'amélioration des conditions de vie des détenus et la réinsertion sociale de ces détenus. Et cette politique aide les prévenus ou les détenus à vivre dans la société en conformité avec les normes et les valeurs de la société. Cette politique aussi aidera les détenus à développer un sentiment que la société burundaise leur appartient. Ça va aider aussi ces détenus, n'est-ce pas, à s'autodévelopper, à vivre honnêtement dans la société burundaise. Alors, puisque l'État du Burundi ne peut pas mettre seul en œuvre cette politique. Il se fait accompagner par des partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre de cette politique. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le ministère de la Justice, qui a signé un partenariat avec cette organisation internationale, International Youth Fellowship, nous avons organisé cette activité de lancement officiel d'enseignement ou d'éducation de la mentalité. Ça veut dire aider les détenus à changer leur mentalité, aider les détenus à sentir que la société leur appartient, que les autres membres de la société qui sont à l'extérieur, qui sont dans la société, les aiment, n'est-ce pas, attendent avec amour leur sortie de la prison. Vous avez évoqué le cas des prisonniers qui seront bientôt libérés. Est-ce qu'on peut savoir l'effectif et si à quand de libération? L'effectif des détenus qui ont bénéficié de la mesure de grâce et 2599 détenus. Et vous vous souvenez que la semaine dernière, Son Excellence le ministre de la Justice et garde des Sceaux a fait un lancement officiel de l'exécution de l'ordonnance concernant la grâce présidentielle. La commission mise en place pour la mise en application de ce décret est à l'œuvre aujourd'hui. La commission se trouve dans la province de Bubanza et Muramvya. Ça veut dire que demain, il y aura d'autres détenus qui seront libérés. Arkade Harerimana, c'est le secrétaire permanent au ministère de la Justice et garde des Sceaux dont les propos ont été recueillis par Gertrude Mawenay. Je vous l'avais dit dans les titres, deux personnes, un mari et sa femme, ont été tués au cours de la nuit dernière dans une attaque à la grenade sur la colline Muhenga en commune et province Bubanza. Des sources administratives parlent de malfaiteurs non encore identifiés qui ont lancé deux grenades à travers la fenêtre de la maison où dormait le couple. L'administration locale soupçonne que la polygamie serait à la base de ce double meurtre. Notre correspondante Spescaritas Kavanyana est en ligne depuis Bubanza. C'est aux environs de 23 heures que les habitants de la sous-colline Muhuzanama, colline Muhenga, dans la commune de Bubanza, ont entendu l'explosion d'une grenade. Et après un instant, une deuxième explosion s'est fait entendre. Et c'était, selon les témoins sur place à Muhenga, des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés, qui ont lancé à travers une fenêtre défoncée deux grenades dans la chambre où dormait un mari et son épouse. Ils sont morts sur le champ. La même source indique que ce vieux de plus de 60 ans, du nom de Naokaraj Maurice, avait une autre femme qu'il a abandonnée et vivait depuis quelques mois avec Nakarutimana Marie, une veuve. Un fils de cette veuve, du nom de Niongabo, n'était pas content de son couple et se lamentait que les biens de son père défunt sont en train d'être consommés par un autre homme selon les premières enquêtes de la police. Et ce jeune homme du nom de Niongabo a été arrêté par la police ce mercredi matin pour enquête. Spescaritas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spé. C'est le ministère de l'Environnement accuse certains vendeurs et transporteurs des produits forestiers d'utiliser de faux documents pour échapper au paiement des taxes à l'Office burundais des recettes, OBR. Le ministre de l'Environnement dit que 11 fraudeurs impliqués dans le transport du charbon et autres produits forestiers ont été attrapés. Célestin Ndayizeye l'a déclaré ce mardi lors d'une conférence de presse. Il déplore également un manque à gagner de 17 millions de francs burundais occasionnés par cette fraude et appelle la justice à punir ces fraudeurs sévèrement. On l'écoute. Dans le domaine forestier, on percevait annuellement plus de 300 millions de francs burundais qui sont versés dans le trésor public. C'est ainsi qu'au niveau des services concernés, ils ont commencé à faire des investigations pour vérifier si ce montant qui rentre dans le trésor public est suffisant. Ils ont passé par vérification des pièces exigées pour être acceptés comme transporteurs des produits forestiers. Parmi les documents positifs du dossier pour avoir l'autorisation de transport des produits forestiers, il y a le bordereau de versement des frais à l'OBR. Il y a quand même quelque chose d'étonnant qui est arrivé à la direction des forêts. Le bordereau de versement a des dates différentes qui sont établies par une seule personne qui ne va jamais en congé, infatigable, le nommé Étienne Naondereye, sur l'investigation des services de renseignement, des services de la police, on a trouvé que cette personne n'existait pas dans les agences des banques de la place et on a trouvé que c'était vraiment le cas d'usage de faux. Le montant déjà déclaré par 11 personnes déjà appréhendées et qui sont sous interrogatoire dans les mains des services judiciaires s'élève à plus de 17 millions de nos francs. On va demander à ce que le traitement soit conséquent. Si le traitement est conséquent, d'autres vont y trouver un exemple et on va sauver le trésor public. Et les habitants du quartier Kamessa 1 appellent au gouvernement à leur venir en aide dans la construction d'un pont qui les relierait avec Kinanira 2. C'est dans la zone Moussaga au sud de Bujumbura, la capitale. Il s'agit d'un pont en bois érigé au-dessus d'un grand ravin et tout ce qu'il peut faire ne peut pas beaucoup durer. Et les conséquences sont énormes, disent-ils. Reportage, Léonce Vitario. Il y a risque de vertige pour les non-habitués quand on se tient debout au-dessus du ravin sur lequel était érigé le pont reliant les deux quartiers. Pour le moment où le pont s'est effondré, le contact physique est coupé pour les gens qui se trouvent de part et d'autre du ravin. Ils se regardent, se parlent, mais ne traversent pas le pont qui servait de grande utilité selon les habitants. Tous ceux qui se rendent au marché, à l'église, ou les élèves qui vont à l'école passent ici et passent en risque de tomber. Ce pont s'est récemment écroulé pendant la nuit. Si c'était pendant la journée, il aurait emporté des passants. Je ne peux plus exercer mes activités de l'autre côté du pont. La vie devient difficile. Avant, je faisais le commerce de fruits traversant par ce même pont. À l'heure actuelle, comme l'indiquent ses habitants, l'on est en train de faire de son mieux pour que les deux quartiers soient de nouveau en contact, tout en demandant au gouvernement d'appuyer, lui qui par ailleurs ferait mieux. Que le gouvernement réhabilite le pont d'une manière moderne, avec du béton, ça serait mieux. Aujourd'hui, nos inquiétudes reposent sur l'état de ce pont parce que tout ce que nous faisons pour essayer de le réparer n'aide pas grand-chose. Nous n'avons pas de moyens. Nous demandons au gouvernement d'apporter son aide pour remettre le pont en bon état. Les habitants de Kamessa 1 ou Kinanira 2 qui veulent quitter un quartier vers un autre doivent pour le moment emprunter la route principale passant par un endroit communément appelé Cheruhara en amont ou en aval par les eaux de la rivière Kanyosha. Léon Subitariho est un des chefs de cellule à Kamessa 1, interrogé par notre reporter, indique que ce problème est connu au niveau des instances hiérarchiques, mais Jean-Nepo Narukundo précise qu'en attendant qu'une solution soit trouvée, l'on est en train de collecter une certaine somme, 5000 francs burundais par ménage, en vue de sauver ce qui reste à sauver. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les grands titres avant de nous séparer. Les confédérations burundaises des syndicats Kosibou et CSB réclament avec insistance l'organisation d'une séance de dialogue compromis aux syndicalistes par trois ministres du gouvernement dans leur précédente rencontre. Dans une correspondance adressée au président du Comité national du dialogue social, ils regrettent aussi que les retraits à la source pour les contributions aux élections aient été opérés alors qu'un consensus n'avait pas été dégagé. Et les questions relatives à l'amendement de la Constitution et au dialogue extérieur seront présentées par le premier vice-président de la République lors d'un sommet des chefs d'État qui se tient ce 23 février en Ouganda. Gaston Sidimo a pris l'avion ce matin et le professeur Evariste Ngaimenda, avec certains de ses collègues de l'opposition, viennent de rencontrer en Tanzanie le médiateur Mkapa et sont confiants quant à l'issue de ce sommet et ont réclamé la tenue d'une session de dialogue avant mai prochain. Et ce sera pour que le gouvernement arrête son forcing dans le référendum constitutionnel. Et les habitants du quartier Kamessa 1 appellent le gouvernement à leur venir en aide dans la réfection du pont qui les relie avec Kinanira 2 en zone Moussaga. Cette infrastructure est sur le point de céder et les conséquences risquent d'être fatales. Enfin, au chapitre sécurité, vous l'avez suivi, un homme et sa femme sont morts la nuit dernière dans une attaque à la grenade lancée à travers la fenêtre de leur maison. Le drame a eu lieu sur la colline Muhenga, en commune et province Bubanza. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. François Akimana, la mise en onde. Au micro Jean Bosco, Nduimana. Passez un bon après-midi.